Check one, two. Musique spécialement dédiée à Mina à l'occasion de son anniversaire de naissance. Mina, happy birthday to you. Again and again. Bonne fête. Une fête dans Jazzou. Happy birthday to you, darling. Pour me dire tout ça passé, tout ça n'a qu'un moment. Anita, moi je m'en fous la vie. T'en prie, t'attends pas, c'est bien compris. Donc j'aime la main, Anita. Ah bah où? J'aime ton déprime. Soyez longtemps d'âme chercher. J'aime la mer, j'ai ri moué. Anita, Anita, quand c'est mes promets, Anita, Bon Christmas. Longez la main, Anita. Je connais. Ça fait longtemps que je cherche. Longez la main, j'ai Anita. Why?

fom kalalou Mwen son fom kem damou Mwen rebel Mwen mando Son fom kalalou Son fom kalalou Mwen son fom kem damou Mwen rebel Mwen mando La la biye tout de ble Win son le yagi bagile La la biye tout de blan L'isomble yak si viej mari La la biye tout de noa La son bizan se fom we Kadon fom o Kadon fom me Kadon fom o Kadon fom me La la biye tout de ble Win son le yagi bagile La la biye tout de blan L'isomble yak si viej mari La la biye tout de noa we Mes amis, ça c'est fom, kadon fom, kadon fom, kadon fom, kadon fom, kadon fom, kadon fom, kadon fom, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, marche, Allô Juno Vous couchez souvent dans bateau Yes I Balancez, balancez Fais ton pao Vania Lager Vania Lager C'est qu'on parle Hey Yes, sir.